35, la CTCC va venir faire une course vers 15h. La Coupe Nissan Micra, à leur tour, seront pendant une épreuve à 16h05. Et la journée va se terminer par les qualifications de la série NASCAR Canadian Tire. Mathieu, laisse-moi te demander, hier, t'es venu, je sais que t'es pas un grand amateur de course automobile. Ou de sport. Ou de sport. D'activité physique. Exactement, en général. Mais dis-moi, est-ce que t'es resté sur le terrain? Est-ce que t'as fait un petit peu le tour? Comment ça s'est passé pour toi? Ben, je suis resté sur le terrain, Tania, pour un bon bout de temps, parce que je devais trouver mon chemin vers la sortie. C'est oui, un aussi. Labyrinthe de fou, le terrain de l'exposition. Donc, c'était le fun. J'ai pu voir pas mal de places, tous les petits raccoins, les kiosques qu'il y avait là, les gens qui préparaient leurs affaires. C'est le début de la fin de semaine, hier, vendredi matin. Donc, étant donné que les gens étaient partis la fin de semaine d'avant, il fallait qu'ils réinstallent leur truc, donc c'était pas encore tout à fait prêt. J'ai pas eu la chance de voir beaucoup de choses comme normal. Donc, t'es pas resté pour les séances qui allaient suivre sur la piste. Non, j'ai vu quand même des chars passer pas mal parce que j'essayais de retourner chez moi, qui est comme dans le exactement derrière les chars. Oui, c'est vrai. Hein, c'est un petit peu tricky, comme on dit. Ouais, mais c'était le fun quand même comme défi. Je dirais. Oui, belle fin de semaine. On vous l'a dit hier, on a quand même plusieurs séries qui arrivent cette fin de semaine. La semaine dernière, c'était la fin de semaine du rallycross, entre autres avec le rallycross light et le rallycross international. On avait aussi de la moto et du side-by-side. Mais vraiment, cette semaine, on change ça du tout au tout parce qu'on passe d'un côté pas mal plus piste terreuse à l'asphalte seulement, exactement. Alors, de ce côté-là, on retrouve des séries que l'on retrouve en temps normal, là, je dis bien en temps normal, entre guillemets, pas parce qu'on retrouve pas de la moto sur des pistes normales, mais c'est un petit peu le type de série qui rejoint le plus grand public de course automobile. Alors, fin de semaine, quand même assez différente pour les amateurs de course. C'est là qu'il va y avoir plus de monde dans les estrades, ça va être la grosse fin de semaine. Oui, bien hier, j'étais quand même surprise de voir à quel point, pour la course du soir, parce que c'est un format qui est renouvelé à chaque année. Exactement, le format nocturne qui est une course vraiment à la pénombre, comme tu nous as dit hier. Ça finit à 9h, c'est pas si tard. Exactement, ça allait terminer quand même à 9h, mais ça débutait vers 19h15. Alors, de ce côté-là, c'est une formule de course totalement différente. Ça ajoute peut-être même un défi supplémentaire pour certains pilotes, parce que c'est pas évident de voir sur la piste. C'est clair, eux-mêmes avec leur auto, parce qu'en tant que tel, Trois-Rivières, on s'entend que c'est pas très bien éclairé dans les rues. Non, en effet, mais par contre, ce qu'il y a de bien plaisant, c'est qu'avec l'événement du Grand Prix Trois-Rivières, on est quand même capable de louer de la lumière supplémentaire. Alors, de ce côté-là, je sais qu'il y a quelques endroits sur la piste, il y a vraiment des spots qui sont ajoutés pour cette course-là nocturne. Et c'est une des courses qui est le plus appréciée du week-end lorsqu'on arrive à ce week-end-là. C'est vraiment la formule de soir où les gens, après le travail, le vendredi, peuvent très bien venir ici. Hier, c'était aussi la journée gratuite. Alors, de ce côté-là, ça coûtait absolument rien venir voir cette fameuse course-là. Et aujourd'hui, si les gens veulent se procurer des billets d'admission générale, bien, c'est possible de le faire à l'entrée. Ben, j'aime. Non, je peux pas te donner de prix, honnêtement. Malheureusement, présentement, j'ai aucun prix sur moi et je voudrais pas donner de prix qui sont totalement toi, faux puis que quelqu'un gratuit, arrive. évidemment, nous, on travaille sur le terrain, alors on est accrédité. Une petite carte autour du cou. On donne de notre temps, c'est ce qui nous donne la petite carte. Mais pour ce qui est des billets de l'admission générale, malheureusement, c'est ça, on va chercher. Devant nous, Tania, on a environ une heure, je te dirais, avant le début. Avant qu'on passe à nos collègues co-animateurs sur la passerelle. Je vous dirais que présentement, il nous reste approximativement 45 minutes. Oh, ouais, ça passe déjà vite. On va avoir le temps de raconter en détail chacune des courses que tu as mentionnées dans le début de l'émission tantôt pour savoir c'est quoi ce du CNSST. Oui, c'est ça, CTCC. C'est la Commission des normes du travail des santé et services sociaux. Oui, c'est ça, Mathieu. Non, c'est pas vraiment. Pas vraiment. C'est Canadian Touring Car Championship. Oh, wow. Voilà. J'expliquerai un petit peu plus tout à l'heure ce que c'est. Mathieu, je ne sais pas, hier, je sais qu'on se. On s'est renvoyé la balle. Exactement. On se renvoyait la balle pour le côté musique. Alors, je ne sais pas si tu avais une pièce en particulier que tu voulais nous faire écouter ce matin, mais on vous le rappelle, on est ensemble jusqu'à 8h sur les ondes de CIFOU 89.1 FM pour l'émission spéciale En piste avec Tania Baudin. Et on vous rappelle aussi que la radiodiffusion officielle, donc tout le week-end du Grand Prix de Trois-Rivières, se retrouve sur les ondes de CIFOU 89.1. Ah, et c'est présenté ça par Gauvayer qui nous présente... qui nous a préparé un beau petit campeur, comme ça, on en reparlera tantôt aussi de Gauvayer. Moi, je commence, étant donné qu'on est très tôt le matin, 7h15, petite pièce bien, bien calme. Voici Gorillaz et Plastic Beach. Et voilà, sur les ondes de CIFOU 89.1 FM. Classic Beach. Deluxe Version, c'est le nom de l'album, la pièce aussi. Gorillaz featuring Mick Jones et Paul Simonon. Ça, c'est fou. Je trouvais que ça commençait bien à 7h du matin comme ça. Ça se prend quand même assez bien, relax. Ça. C'est tout, j'ai découvert cette chanson-là. Moi, un petit café, mais ça. Hein. J'ai découvert cette chanson-là dans un Dance Dance Revolution à un moment donné. Ah, pour vrai? Ouais. T'as déjà joué à ça, toi? Ouais. Hey, j'ai jamais essayé ça, moi, un Dance Dance Revolution. C'est moins mon genre que d'autres jeux de rythme. Mais pour vrai? Je préfère les Rock Band et Guitar Hero à Dance Dance. Ah, ouais, c'est pas que je veux pas bouger, hein, mais c'est que c'est vraiment difficile. Quand t'es au-dessus du niveau faible ou débutant, hein, ça devient comme du sport. C'est vrai. Ça pourrait être aux Olympiques. Tout à l'heure, on vous disait qu'est-ce qui va suivre après nous. Ça oui. va être la première séance de la Coupe Nissan Micra. Il y avait plein d'acronymes, de lettres qu'on ne comprenait pas. On veut des détails. Oui, c'est TCC. On va y arriver. Mais sachez que tout à l'heure, vous allez entendre des voix dans vos oreilles, bien évidemment, si vous êtes sur les ondes de C'est fou 89.1 FM. Pas nous, on ne parlera pas de ça. Non, ça ne sera pas nous. Vous allez entendre en premier Frédéric Beaulieu et Philippe Brassard de Pôle Position. Ils vont venir vous englober la séance de qualification de la Coupe Nissan Micra. De façon professionnelle. De façon professionnelle, exactement. Et vous allez avoir une très, très belle analyse de tout ce qui englobe cette fameuse série-là. Mais on en discutait un petit peu hier. Une série qui est... comment je pourrais dire... Je veux pas dire dangereuse, téméraire pourrait être le mot quand même assez bon pour ça. Ce sont de petits bolides qui vont à une bonne vitesse quand même. On parle pas d'une vitesse exceptionnelle comme une Porsche GT3, bien évidemment. Par contre, lorsqu'on parle de la Coupe Nissan Micra, c'est vraiment une bataille à type égalité. Tous les pilotes et toutes les voitures sont vraiment mis sur un même pied d'égalité. C'est que le talent des pilotes à la place d'être le char finalement qui fait ben, rien. Oui, parce que de ce côté-là, c'est quand même assez difficile d'aller faire des ajustements mécaniques qui vont nous amener à une très, très grande différence, un très, très, très grand écart, par exemple, entre le premier et le deuxième. Ça va vraiment jouer par le talent du pilote. Puis, et les drogues, j'imagine qu'ils peuvent... Non, malheureusement, Mathieu, on ne prend pas de drogue. Ah, non. C'est pas comme au baseball. Non. Moi, je connais juste ça, le baseball. Là. Ben oui. Les stéroïdes. Ben oui, évidemment. Juste ça, parce que j'ai fait la mise en onde pendant 2 ans du baseball. Exactement. Une balle. Oui. C'est tout ce que je connais comme terme. Ah ouais, c'est ça. Mathieu fait la mise en onde des aigles de Trois-Rivières. C'est tout ce qu'il se souvient. Une balle. Une balle. Deux prises, voilà. Alors, de ce côté-là, la Coupe Nissan Micra, comme je le disais, hier, on jasait justement en onde avec d'autres animateurs, que ce soit Danny Babu-Bernier ou encore Fred Beaulieu et Philippe Brassard. On trouvait justement qu'il y avait cette ressemblance avec le fameux monde du karting et les karts 4 temps. Un kart qui va beaucoup moins vite, par contre, qui amène quand même un très bon spectacle parce que bien souvent, on va avoir un bon nombre de participants dans cette série-là et c'est un petit peu le même type de conduite que l'on va retrouver dans la Coupe Nissan Micra. C'est vraiment des gars qui, bien souvent, vont arriver justement du monde du karting, qui vont se mettre à faire la série Nissan Micra parce que c'est une des séries les plus abordables au Canada présentement. Et c'est un très, très, très bon tremplin entre le monde du karting et le monde de la course automobile. Né professionnel, me dit-elle avec des guillemets, parce que le monde du karting devient quand même très, très professionnel présentement. Ouais. Tu dis abordable, c'est les autos qui sont moins chères? Oui, les autos sont moins chères et le coût de la série aussi est beaucoup moins cher. Parce qu'il faut que tu payes pour participer à une série comme ça. Oui. Okay. Alors, de ce côté-là, ça amène un petit oomph pour les participants parce que justement, ça coûte moins cher. Et c'est ce qui est très, très plaisant parce que je le disais, ça amène plusieurs personnes en piste. C'est ce qui fait que vous allez pouvoir voir, entre autres, presque, si je me souviens bien, 26 personnes en piste dans la série Nissan Micra cette fin de semaine. Vous allez voir, tout à l'heure, ça va être la séance de qualification. Il faut surveiller certaines personnes, entre autres le 425 de Xavier Coupal, qui est le meneur au championnat présentement. 425, c'est le numéro de son... C'est le numéro de la voiture, oui. Par la suite, il faut automatiquement surveiller le numéro 1, parce qu'il est l'ancien champion 2015, c'est Olivier Bédard. Numéro 1, mais non, mais lorsque tu gagnes un championnat, tu as le droit de prendre le numéro 1. Alors, de ce côté-là, c'est pourquoi Olivier Bédard a échangé son numéro fétiche 96 pour le numéro 1 cette année. Moi, j'aurais pensé qu'il aurait gardé son 96 pour la chance. qui sont comme ça superstitieux. Ah, tu ne changes pas de numéro, ben, ça va te nuire. Mm. C'est vrai, on pourrait peut-être lui en parler au courant de la journée. Mais... Tu as parlé hier de mettre le chapelet sur la corde à linge. Oui, c'est ça. Hey, je ne sais pas s'il y a des gens qui l'ont fait, mais merci parce que ce matin, la météo est de notre côté. Alors, pour ceux aussi qu'il faut surveiller en fin de semaine, il faut surveiller aussi la numéro 4 de Valérie Limoges, qui est 5e au championnat présentement, mais qui est une fille très vite en piste et elle connaît bien le circuit du Grand Prix de Trois-Rivières. Elle n'en est pas à sa première épreuve ici. Valérie Limoges, ça fait des années qu'elle course, que ce soit au Canada ou aux États-Unis. Alors, de ce côté-là, j'ai comme l'impression qu'on pourrait avoir des surprises de qui va se retrouver sur le podium un petit peu plus tard dans la journée. Combien de filles en tout? 3 dans la série. Sur 26, c'est ça que tu as dit? Oui, si je me souviens bien. Si je me souviens bien, c'est 26 voitures. Oui, ça devient de plus en plus populaire. Puis, c'est quelque chose dont j'ai déjà discuté avec plusieurs personnes dans le cadre de l'émission En piste avec Tania Baudin. Mercredi à 14h. Exactement. C'est le volume de participantes féminines en course automobile versus le volume masculin. Il y a plusieurs personnes qui disent « Ouais, il n'y a pas beaucoup de filles! » que ce soit en Formule 1 ou que ce soit à un niveau très, très professionnel. C'est tout simplement parce que le bassin de participantes féminin est beaucoup plus étroit que le bassin masculin. Alors, de ce côté-là, oui, automatiquement, on va se retrouver avec beaucoup moins de femmes professionnelles dans le monde du sport automobile. Par contre, lorsqu'il y en a une qui se ramasse en haut, s'il vous plaît, donnez-y l'exposure dont elle a le mérite. Qu'elle mérite, exactement. Exactement. Ouais. Dont un peu Valérie Chiasson, qui est maintenant porte-parole FIA, donc Fédération internationale de l'automobile, partout dans le monde, représentante féminine canadienne. De ce côté-là, très bonne exposure pour la pilote. Très cool. Oui, tout à fait. Un petit peu plus tard aussi, tu parlais d'acronyme CTCC, oui. Le Canadian Touring Car Championship. Quelle est la plus grande distinction par rapport à cette série-là? C'est vraiment que ce sont des voitures à la base de rue. Donc, c'est des bolides que n'importe qui pourrait acheter, qu'on va à la suite modifier pour pouvoir faire de la course automobile. Donc, automatiquement, on va ajouter une cage de sécurité qui va être très, très sécuritaire et aux normes de la FIA. Par la suite, on va aller jouer dans les moteurs. Et tout à l'heure, je parlais d'égalité en Nissan Micra. C'est peut-être un petit peu la différence avec la catégorie CTCC. C'est qu'on peut voir justement ce fameux grand écart-là entre le premier et le deuxième à cause du budget que l'on a et à cause tout simplement de l'équipe mécanique que l'on va avoir derrière nous. C'est sûr que si on a la chance d'avoir un ingénieur, si on a la chance d'avoir un gars qui fait juste des moteurs, si on a la chance d'avoir un gars qui connaît tellement ça qu'on a un moteur tellement puissant qu'on peut virer extrêmement rapidement comparé au gars derrière nous qui lui va être une écurie qu'on appelle plutôt maison, eh bien de ce côté-là, on va voir cette fameuse écart-là. Il faut que tu trouves toi-même ton équipe. J'imagine qu'il faut que tu t'entoures de bonnes personnes. Tu peux pas juste claquer les doigts et dire « Bon, je vais me prendre le meilleur mécanicien. » Si tu as le budget, probablement que le meilleur mécanicien viendrait pour toi. Par contre, automatiquement, lorsqu'on court en CTCC, c'est un écart que l'on va voir. Ça arrive couramment. Et vous, quand vous allez être soit dans les estrades ou que vous allez écouter la série à l'antenne de C'est fou 89.1 FM, eh bien, c'est quelque chose que vous allez entendre, qu'il va y avoir un bon écart entre deux participants ou que ce sont des voitures qu'on voit couramment sur les routes du Québec comme ça. Vous allez aussi avoir la Formule 1600. Formule 1600 qui nous a donné hier, déjà en partant, 2 superbes courses. Il va y avoir la 3e et finale épreuve de la série aujourd'hui. Si je ne me trompe pas, ça serait aux alentours de 10h50 ce matin. C'est leur 3e course. Hier, on a débuté directement en qualification, donc aucun temps de pratique pour les gars en Formule 1600. On parle de 32 voitures en piste. C'est beaucoup. Pardon, j'ai dit 32, mais 32, c'est vraiment la CTCC. Je pense qu'on parle autour d'une vingtaine de voitures pour la Formule 1600. Par contre, hier, c'est vraiment une des séries qui nous a offert le meilleur spectacle. À l'avant, ça se battait très, très fort pour les premières positions, entre autres, entre Trenton Estep, Michel Bonnet. Il y avait aussi Olivier Bédard à un certain moment qui était dans cette fameuse bataille-là. Didier Scrannon a aussi remporté la 3e position lors de la première épreuve. Alors, on parle vraiment de des gars qui connaissent ça. Ça fait quelques années qu'ils sont dans le métier. Si on parle de Trenton Estep, c'est sa première fois ici au Grand Prix de Trois-Rivières. Si je me souviens bien, le pilote a 17 ans seulement, arrive directement du Texas. Il est premier dernier au championnat dans la saison présentement. Mais le Grand Prix de Trois-Rivières, c'est un circuit assez difficile. Alors, de ce côté-là, lorsque tu n'as jamais coursé ici, automatiquement, la plupart du temps, les gens vont prendre ça mollo, comme on dit, puis ils vont y aller pour l'apprentissage de la piste pas mal plus que pour la performance. Mais du côté de Trenton Estep, hier, on a vraiment mis la cadence au fond et avec son équipe Spectra Premium, eh bien, on a fourni une très bonne voiture et ça l'a permis tout simplement à Trenton de pouvoir être très, très constant tour après tour et ça lui a vaincu, ça lui a donné la deuxième victoire de la journée parce que malheureusement, lors de la première épreuve, il avait eu un tête-à-queue, ce qui l'avait relocalisé en fin de peloton. Oh boy, oh boy. Hey, il y a de la violence là-dedans. Tu parlais qu'il se battait en première place. Ce serait le fun qu'il revienne. Tu sais, comme le jousting, tu sais, le truc avec les chevaux. Là. Oui. Les espèces de gros bâtons. Les espèces de gladiateurs. Ça fait qu'ils font passer des chars. Parce que c'était très, très, très dangereux. Pas mal plus dangereux que de la course automobile, Mathieu. Au retour, est-ce que tu nous fais ton segment spécial? Absolument, j'ai préparé les mêmes chroniques que je fais dans l'Assemblage requis habituellement, les mardis entre 14h et 17h. Exactement. Hier, j'ai fait du C'est un fait, on a appris plein de choses. Oui. Aujourd'hui, c'est des gadgets inutiles pour les chars, évidemment, thématique de chars, parce que c'est le Grand Prix. Donc, ça existe, mais ça ne devrait pas là dans quelques instants. Est-ce que tu nous as une pièce musicale pour justement nous faire une petite pause? Parce que, comme on vous le disait, on est en direct du Grand Prix de Trois-Rivières, mais bien évidemment, Studio Mobile, d'ailleurs, que tu as dit tout à l'heure, qui est présenté par GoVR. On a eu la générosité du côté de l'équipe GoVR de nous prêter ce studio mobile-là à la suite que nos installations la semaine dernière aient eu quelques complications. Notre tente s'est envolée. Notre tente a explosé. C'est ça. Voilà. C'est vraiment le terme. Attaque terroriste. C'est ça. Oui, par le vent. Alors, de ce côté-là, GoVR a vraiment gentiment prêté le studio mobile dans lequel on se retrouve. On est... où est-ce qu'il y a toutes les concessions? Alors, si les crêpes. Chaque côté... Allez-y par l'odeur. C'est crêpes. Ça. Suivez l'odeur des petites patates à déjeuner matin. C'est vraiment là qu'on se retrouve aussi à côté du stand de Crown. On remercie les gars de Crown de nous laisser un petit peu empiétrer sur leur terrain. On est large avec notre studio mobile, mais grâce à GoVR, on est en direct du Grand Prix de Trois-Rivières. C'est magnifique. J'ai promis des photos de la roulotte, donc je vais faire ça tantôt. Je vais essayer pendant le prochain bloc. Je te fais entendre une pièce de Beck pour l'été. Je me suis dit ça fitait Summertime, Beck tout de suite. Et voilà. Ça, c'est fou. Avec Summertime sur C'est fou, toujours dans la couverture du Grand Prix avec Tania Baudin. Maintenant, c'est à mon tour un petit peu de. Ben oui, c'est ton segment, Mathieu. Oui, c'est mon segment. Et pour les segments, évidemment, moi, je ne peux pas m'empêcher de remettre mes petites intros. Ben oui. Toujours. T'es prêt? C'est bien correct. T'es prêt? Ça existe, mais ça ne devrait pas. On l'a. Ploup. On est sur quel? On est sur le LTE quand même. Il faut attendre que les choses se loadent des fois. Ah, voilà! Et voilà! Okay. Internet. On se croirait dans le studio, c'est fou avec les ordinateurs plus performants. Pareil. Et en plus, là, je nous ai amené les versions longues. On peut laisser le fond si ça fonctionne pour nous en arrière. Oh, si my on est capable. God. On va voir si on nous entend bien. On n'est pas habitué avec cette console-là quand même. C'est la chronique qui existe, mais ça ne devrait pas être là. Pour ceux qui ne suivent pas Assemblage Requis, c'est la chronique où on se procure des gadgets sur Internet et qu'on le regrette instantanément parce que notre crédit est enfoncé jusque dans le rouge. Mais là, spécial. Oui, en fait, je t'ai préparé. Je ne sais pas si on aura le temps de faire les deux blocs. Peut-être qu'on aura un autre demain. Mais je t'ai préparé deux blocs de ça existe. Le premier, c'est une thématique char et huile à moteur. Excellent! On aimait ça, je pense. On adore ça! Commençons donc avec... Tiens, est-ce que tu as déjà perdu quelque chose entre les sièges de ta voiture? Oh mon Dieu, oui, ça m'arrive tout le temps. Ça arrive tout le temps. Donc, avec le Audi, O-D-I-I, c'est une pince avec aimant qui va te permettre de rattraper les trucs en dessous de ton siège. Donc, il y a 12 pouces, ça entre dans le coffre à gants. Et tu peux aller jusqu'à 18 pouces de long avec ça. Et l'aimant va jusqu'à 24 pouces. Aimant qui est fait de néodymium, qui peut lever jusqu'à 2 livres. Oh, quand même! Mais malheureusement, à cause de l'aimant, ça attrape pas ce qui est en plastique. Ça, c'est vrai, par contre. Ça attrape juste ce qu'un aimant. La monnaie, au moins. Ouais. C'est pas mal les trucs importants. Les clés. Les clés, j'avoue. J'avoue que qu'est-ce que tu pourrais échapper qui serait plate, sinon? Pas grand-chose qui me dérangerait vraiment. Ouais, non. Ce qui n'était pas en mettant. Bref, il y a même une lumière LED pour voir, par exemple, tes boucles d'oreilles que tu pourrais perdre entre ton oui, siège. Ah oui, tout à fait, ça m'arrive tout le temps. Et ça pourrait être aussi utile pour derrière le divan ou n'importe quoi. Donc, ça coûte seulement 20$, c'est sur Kickstarter en ce moment. Un beau petit bâton. Tu n'as pas les images aujourd'hui parce qu'on n'a pas d'ordinateur, mais quand même, une petite broche, une petite antenne, si on veut, avec lumière et on voit les clics qui sont pendus après, ça fonctionne. C'est toujours beaucoup mieux que d'essayer d'y aller soi-même avec sa main parce que bien souvent, on reste pris. Exactement. Puis démancher les sièges aussi, c'est. Ah ouais, c'est pas plaisant, c'est ça. Ça prend du temps, puis c'est jamais bien le fun, surtout sur l'autoroute. Surtout sur l'autoroute. Des fois, tiens, t'as besoin de petits compartiments pour mettre tes affaires et tu manques de place. Oui. Je sais pas, il te reste juste de la place dans ton porte-verre, puis là, ben, tu veux pas non plus tout salir dans ton porte-verre avec telle affaire. Donc, c'est une station de charge de téléphone cellulaire qui se met dans le porte-verre. Donc, c'est un verre, dans le fond, c'est en forme de verre de plastique avec une fente où ton téléphone peut être mis dans l'encoche et ton téléphone tient dessus et ça se branche dans l'allume-cigarette ou dans la prise pour recharger, USB, peu importe. Et dans le reste du verre, tu peux évidemment mettre à peu près n'importe quoi. Et même vu que ça tient debout, ton téléphone, tu peux t'en servir comme GPS aussi. Ah, oh, wow, c'est génial. Cool, hein? Donc, j'en veux un. T'en veux un? Ben tiens, si t'en veux un, 49,95 chez Amaker Schlemmer, nos futurs crosseurs en chef qui vendent deux fois trop cher. Rien de moins. À peu près chaque affaire. Et tu peux transporter évidemment dans ton sac parce que c'est de la grosseur d'un verre. Bâtard, hein? Bâtard, dit-il. Pas te demander plus que ça. Même qu'il y a une prise auxiliaire pour envoyer le son. Ah, mon Dieu, c'est vraiment donc, parfait. Vraiment très cool. Ensuite, tu sais, on a deux affichages pour montrer le kilomètre-heure ou la vitesse que tu es en voiture, tu sais, un petit peu comme pour que ça s'affiche dans ta fenêtre, pour faire comme dans le jeu vidéo, avoir un heads-up display. Donc, celui-là, le premier, c'est simplement une unité qu'on place sur le dash, sur le... Comment on appelle ça? Dash? Le tableau de bord. Tableau de bord, voilà. Donc, ça vous montre la vitesse, la direction, donc nord, sud-est-ouest, et ton altitude directement sur ton pare-brise. Donc, le gadget est sur le tableau de bord et ça va refléter à l'envers sur la vitre. Ça coûte 60$. Alors que l'autre, ça, c'est le Car Heads-Up Display. L'autre, c'est le Hudwig Glass, qui, lui, est vraiment son propre affichage. Ça n'envoie pas la réflexion sur le pare-brise. C'est vraiment son propre gadget. Ça le montre avec la direction de ton GPS. Ben, ouais, GPS dessus. Donc, c'est Hudwig Glass et vitre multicouche fait de plastique qui optimise la transparence sans distorsion tout en maximisant la réflectivité du téléphone en dessous. Donc, tu le colles sur ton tableau de bord avec les... je sais pas, c'est des suctions, quelque chose comme ça. Et ensuite, tu l'ouvres, c'est un peu comme tu ouvrirais un Nintendo DS ou un truc de maquillage, dépendant de vos références. Donc, il y a une application GPS directement de Hudwig. Tu as aussi Speedometer, le NavMe, un autre navigateur, et Baidu Maps, donc pour les cartes routières et tout ça. est dans un rack qui empêche de glisser pour 49$ sur Kickstarter, un peu le même prix que l'autre. L'autre, je le trouve plus cool parce que ça envoie directement. Ouais, quand même, quand même. Ouais. Moi aussi, je pense que je le trouve plus cool. Ouais, on s'entend là-dessus. Ouais. On a parlé hier dans C'est un fait de, du fait que de mettre ses mains exactement à, c'était quoi, 10h et 14h. Oui, c'est... Ouais, parce que c'est, ça semblerait dangereux. Oui, parce que tu pourrais t'envoyer tes faces dans tes mains dans ta face. Oui, c'est si jamais le airbag sort. Ouais. Exactement. Donc, le sac de secours. Sac gonflable. Sac gonflable, voilà. Tu es supposé de mettre à 3h et 9h de nos jours. C'est ce qu'il disait dans C'est un fait, mais comme... Ou 8 et 16. 8 et 16, exactement. Et voilà. Tout à fait. Ça dépend à MPM. Ça peut être 8 et 4. Ça peut être 4 et 20. Hein. C'est ouais, pas comme c'est... ça vous tombe. Ça dépend de quelle heure, bien évidemment. Là, on remonte quand même au mois de janvier au Consumer Electronics Show, mais on a annoncé ça à Las Vegas. C'était un des produits favoris de la foule. C'était TJ Evarts et son équipe de jeunes inventeurs qui ont développé le Smart Wheel. Ils ont reçu des offres de la célèbre émission que je ne me rappelle jamais, Shark Tank, là, un peu comme dans l'œil du dragon. Oui, oui, oui. Donc maintenant, le CEO de la compagnie, Evarts, a fait une démonstration de ce cover, un truc qu'on met par-dessus un volant pour peut-être sauver des vies. Le Smart Wheel utilise un potentiomètre linéaire et un algorithme spécial pour déterminer si les mains du conducteur sont placées dans la bonne position sur le volant. Donc, quand une main n'est pas au bon endroit ou qu'on enlève sa main du volant, il y a une lumière verte sur le volant qui va devenir rouge et une alarme qui va sonner. Donc, c'est fait surtout pour les conducteurs adolescents. C'est connecté à l'application mobile qui va surveiller la performance du pilote et va même donner un score que les parents vont pouvoir connaître. Donc, si tu enlèves tes mains du volant, ça a donné une alerte parce que quand même, tu n'es pas un bon chauffeur. Eh là là! Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Mais tu sais, des fois, il faut que tu te mouches quand tu conduis. Oui, je sais. Ouais, mais toi, t'as pas de véhicule, mais ça, c'est des choses qui arrivent. Puis ça me stresse quand ça arrive, ça, ou achoumer en voiture. C'est vrai. Parce que t'as peur, puis tes yeux ferment. C'est stressant. J'avoue. Surtout quand tu roules 180... Non, c'est pas vrai. Si, en plus, il faut que ton volant te mette une lumière rouge puis une alarme qui sort. Mais tu capoterais-tu, rien un délai. Ben, j'espère. 5 secondes, la lumière... Selon, oui, c'est ça. Selon combien de temps tu laisses les mains... Ça doit être ça. Tiens, ensuite, pour les animaux de compagnie, toujours dans la voiture, toujours dans Sexy, mais ça ne devrait pas, on l'a, bloc thématique sur les chars, puis le moteur. Donc, vous avez un chien, l'animal, peu importe, ça pourrait être un cheval, non, ça, un petit cheval. Donc, c'est le Zone Tech Vehicle Pet Net Barrier qui garde votre animal de compagnie dans le siège, sur le siège arrière, avec, donc, c'est un filet, un peu comme un filet de sport, peu importe, c'est en mèche, là, en truc... en genre de screen, si on veut. C'est fait pour la plupart des voitures, véhicules utilitaires sport, camions et vannes. Ça s'attache au poignet du siège par-dessus la porte. C'est les poignées qu'on peut se trouver. Oui, oui, oui, tout à fait. Et puis aux appuis-têtes. Et ça se sécurise en bas, près des ceintures. En tout cas, il y a plein de points d'accroche et on peut le rouler pour le mettre dans la valise, si on veut. Une bonne chose pour les gens qui veulent que leur chien reste en arrière, qui viennent pas en avant. Oui, vraiment. Ben vrai, c'est parce que parfois c'est très très distrayant, hein? Oui, c'est ouais, et voilà, ouais, tout à fait, traître, voilà. Ça arrive. T'as pas 12 manœuvres à pouvoir reprendre un véhicule en main. Qui est rendu en avant puis qui est dans tes jambes. Savais-tu, ça n'a pas vraiment rapport avec les gadgets, mais en fait oui, c'est un gadget qu'on peut acheter parce que c'est un char. Mettons, t'achètes une Rolls-Royce. Savais-tu que si quelqu'un essaie de toucher au truc qui est en avant, c'est la petite, y a comme une petite statuette ou un petit truc en avant. Savais-tu que quand quelqu'un essaie de toucher à ça, ça rentre dans le capot de la voiture? Il y a un gif animé sur assemblagerequis.com, ben si ça t'intéresse de voir ça. Donc, ça rentre à l'intérieur tel un homme d'or quand il fait froid à la piscine. Choup comme une tortue. Pareil. Évidemment, une voiture super chère comme ça peut bien se permettre d'avoir des petits gadgets de plus. Ben oui, c'est parce que aussi, c'est quelque chose qui se faisait voler à la tonne il y a quelques années et même dans le temps. Surtout une Rolls-Royce, je pense que c'est un des véhicules qui vaut le plus cher. Donc, de ce côté-là... Ouais, moi aussi, j'aimerais ça le garder, mon petit signe en avant de ma voiture. Et aussi, aussitôt que tu y touches, là, ça rentre dans la voiture. Ouais. C'est vraiment cool. Ça, c'est vraiment stupide, là, vraiment con, comme la plupart des voitures avec des décorations douteuses, comme des petits cils aux yeux en avant. Ou la moustache de Lyft ou c'est Uber. C'est quoi? Il n'y a rien, Uber? Je pense qu'il n'y a rien, Uber. Je pense qu'il n'y a rien. Tant qu'il n'y a rien. Bref. Pas original, Uber. C'est un autocollant pour ceux qui ont une voiture brisée. Si vous avez fait un accident, c'est un gros autocollant. On peut coller sur son char. 10$, vraiment nul. Jamais j'achèterais ça. Pour les enfants, ceux qui aiment les Little Tykes, c'est les petits chars là, que tu promènes sur des, sur des petits tapis. Là. Donc, version grandeur nature, mais pour les enfants. Donc, c'est Attitude Autos qui a pris une DU Matisse. On voit moins des houes ici hein, au Québec, Canada. Il me semble que je me rappelle pas d'avoir vu une des houes. Non, moi non plus. En général. Et donc, ils ont passé 16 semaines pour la personnaliser pour avoir l'air d'une Little Tykes Cozy Coop. Et donc, ce qu'on voit dans les photos sur assemblagerequipe.com, c'est le résultat de ça. C'est complètement road legal, donc on peut se promener sur la route avec. Ça peut aller jusqu'à 70 000 à l'heure, 112,6 km/h. La page eBay est à 33 200 $ américains, 21 500 livres. Attitude Autos dit que à l'origine, ça valait 46 000 $ américains. Et c'est stick shift, donc il faut conduire manuel. Ah, d'accord. Ensuite, tiens, on est dans un campeur en ce moment, dans une roulotte. Oui, gratuité de Gouvea. Oui. Tiens, ça, c'est pour... en fait, pas mal pour tout le monde, je dirais. C'est le Tricycle Camping Scooter. Donc, pour se promener en genre de campeur, mais qui est aussi un tricycle. Donc, on peut voir les trois roues. Oh, hey, mais c'est bien fait quand même. C'est vraiment super cool. Donc, c'est assez de place pour tout ce qu'il y a d'essentiel, dont une place pour dormir. Donc, c'est vraiment parfait. Il ne faut juste pas que tu te lèves en sursaut parce que tu tapes la tête sur la tablette. Il y a une tablette là pour... C'est vraiment mal placé, mais peut-être que tu es amovible. Peut-être. Oh, peut-être. Quand sais-je? Est-ce qu'on arrête là pour ce blog on que pourrait? Ça existe? Puis on continuera tantôt, plus tard ou une autre fois à un moment donné. Oui, tout à fait. Pour l'instant, est-ce qu'on écoute un petit peu de musique? Pourquoi qu'est-ce pas, Mathieu? Fait? Qu'est-ce qu'on fait? Musique, oui. Oui, musique, parfait. Certainement. Tiens, je vais te proposer une pièce de Globes and Remote. Personne ne connaît ça, mais c'est super bon. Donc voici High Kicks tout de suite. Sur les ondes de C'est fou 89.1 FM. Globes on Remote sur l'album de Woohoo. C'était High Kicks. Vous êtes en direct du Grand Prix de Trois-Rivières pour l'émission spéciale en piste avec Tania Baudin. À Rio. On tient à s'excuser si jamais vous entendez placoter derrière. C'est parce qu'on a un public dans notre studio mobile. Oui, applaudissez, s'il vous plaît. On a un micro public en plus. Oui, c'est vrai. Attention, applaudissez. Attention, applaudissez, voir. Pas sûr que ce soit seul. Je penserais pas que ça soit seul. C'est pas grave. Mais bon. Hein, que voulez-vous? On est dans une roulotte, on a du plaisir, on a du fun. Go VR qui est avec nous, puis toute l'équipe de C'est fou. En fait, l'équipe représentante du Grand Prix. On a plein de gens. Vous connaissez Denis Baudin de l'émission Très Blues à C'est fou, qui, j'imagine... Qui, lui, automatiquement veut tester le micro. C'est sûr. Il faut que quelqu'un teste le micro. Merci. T'es pas pantoute en haut. Je suis pas dedans. Non. Peut-être que le micro n'est même pas ouvert. Non, ça, c'est l'argent. On peut-tu, s'il vous plaît, absolument rien toucher sur la console ce matin? Oui, le stagiaire. Ouais. Il est où le petit gars qu'on a engagé, là? Le recherchiste. Qu'on paye au petit jus. C'est ça. Eh bien, non, malheureusement. Oui, toujours en direct de notre super roulette à piquette. Tania, on a parlé de choses qui s'en venaient. Est-ce qu'on avait fait le tour de ce qui s'en venait? On n'a pas fait entièrement le tour de ce qui s'en venait. Bien évidemment, oui, il reste à peu près 10 minutes à l'émission. On a discuté qu'on allait commencer la journée avec les qualifications de la Nissan Micra. Oui. Par la suite, on allait passer à Mazda Prototype qu'on a pu voir en piste hier. Un type de véhicule qu'on n'a pas vu ici depuis quand même un bon nombre d'années, une dizaine d'années. Je pense exactement, c'est 13 ans. Et par la suite, on va avoir d'autres catégories en piste qui vont être, entre autres, NASCAR Canadian Tire. Donc, pour les amateurs de stock car, les amateurs de NASCAR, sachez que ça sera dès 10h10 sur la piste. Et ce sera les premiers essais. On a deux séances d'essais aujourd'hui pour la série NASCAR Canadian Tire. En fin de journée, on va terminer avec les qualifications de la série NASCAR Canadian Tire. On va bien évidemment avoir de la Formule 1600 ainsi que de la CTCC ou comme tu aimes si bien l'appeler le C3S. Oui, c'est ça. Porsche GT3 aussi va être en piste un petit peu plus tard. Porsche GT3 où là aussi hier, on a pu voir quand même une belle bataille. Là. Je reçois plein de messages. Hein? Désolée, c'est les gars en régie qui m'écrivent. Ah, c'est sûrement qu'ils disent, on entend tes bip-bip pendant. Probablement. Ça, où ils nous disent, OK, vous avez plus de temps, guys. Hey, on vient d'arriver. Donc, de ce côté-là, hier aussi, du côté de la Porsche GT3, on a pu voir quand même de belles batailles, entre autres entre Chris Green, Daniel Murad, Scott Hargrove. Si vous avez écouté les analystes ainsi que les commentateurs hier, vous avez pu voir le concours de passer tout droit sur le boulevard de Calonne de la part de Scott Hargrove. Ah, oui. Versus, si je me souviens bien, c'était... laissez-moi voir. Je pense que c'était Étienne Borja aussi qui était dans la course. C'est 5 contre 4 présentement. Donc, Scott Hargrove qui a passé 5 fois tout droit pendant les essais libres sur De Calonne. De Calzone. De Calzone, oui. Mathieu aime bien appeler ce boulevard-là comme ça. Il faut expliquer par contre qu'en séance de pratique, en séance d'essais libres, les gars vont vraiment essayer de voir la limite d'où ils peuvent freiner. Alors, bien souvent, c'est pour ça qu'on va avoir une sortie de piste ou comme Scott Hargrove, on a vraiment testé la voiture pour voir jusqu'où on pouvait se rendre sans nécessairement forcer les freins ou vraiment pouvoir voir où est-ce qu'on va pouvoir freiner le plus loin possible dans ce virage-là qui est quand même assez mythique. C'est légendaire, le coin numéro 6 ici au Grand Prix Trois-Rivières. Les murs arrivent de très, très près. Alors, de ce côté-là, c'est vraiment... J'ai quasiment le goût de dire que c'était voulu de la part de Scott Hargrove. Par contre, 5 reprises, je pense qu'on a compris où est-ce que tu devais freiner. Alors, de ce côté-là, c'est peut-être juste une adaptation du côté de Scott Hargrove. Par contre, c'est clairement un pilote à surveiller. C'est lui qui avait remporté les deux épreuves l'année dernière. Daniel Murad, qui est présentement lui aussi dans la course au championnat, le numéro 17, qui lui aussi est un pilote à surveiller. Entre autres, Daniel Murad va se retrouver dans la série NASCAR Canadian Tire cette fin de semaine. Hier, on a reçu l'appel. On va encore une fois prendre le volant à la place de Carlos de Quesadas. Alors, pour Daniel Murad, ce sera un retour à la suite de l'épreuve de Toronto. Lui qui avait su quand même nous démontrer beaucoup de talent en piste contre des gars comme exemple Alexandre Tagliani, Andrew Ranger. On a même mené l'épreuve à quelques tours. Donc, Daniel Murad, un pilote à surveiller, que ce soit en Porsche GT3 ou en NASCAR Canada. Ça part tellement vite que je n'ai même pas le temps de faire des jeux de mots sur aucun nom des gars. Je sais, t'as-tu vu à quel point je ne voulais pas te laisser faire des jeux de mots? Parce qu'ils ne font pas ça, babu, truc, là. Ah, il y en a qui en font, il y en a qui en font. J'aime ça, faire les jeux de moi avec les gens. Oui, c'est quoi ton nom, le gars, tantôt? C'était quoi? C'est Dekasadon. C'est ça le nom du gars? Dekasadon. Dekasadon, c'est ça. De qu'est-ce que ça donne. C'est ça. Ouais. Même je l'appelle. Il nous reste 8 minutes environ avant qu'on doive céder la place aux animateurs professionnels du Grand Prix de Trois-Rivières. Tout à fait. Mais ça va être une belle journée qui s'annonce et ça continue demain. Il faut se présenter, bien sûr, sur le terrain d'exposition. C'est super simple. Il y a juste une porte d'entrée. Le reste, c'est tout bloqué. Exactement. Puis même à l'entrée. Mathieu, si tu me permets, je vais faire un petit retour sur des épreuves qui se sont passées hier parce qu'on a quand même eu 3 courses. Tu étais là, toi. T'étais Oui, j'étais physiquement présente et suante. Mentalement, voilà. Moins. Mentalement, beaucoup moins. J'étais attitrée, bien évidemment, à la ligne des puits, travail que je fais assez couramment. Oui, 1-800 ligne des puits. Oui, c'est ça. Donc, c'est moi qui étais en charge de recueillir quelques informations par rapport aux équipes et par la suite, interviewer les gagnants de certaines épreuves. Alors, du côté de la CTCC, c'est Alex Tagliani qui a réussi à remporter cette épreuve de soir qu'on a pu voir à la pénombre et les lumières. Mais ce que j'ai trouvé très, très intéressant pendant cette course-là, c'est qu'on discutait justement avec les commentateurs de comment le circuit de Trois-Rivières est difficile sur des freins. Que ce soit dans n'importe quel type de bolide, le circuit de Trois-Rivières, c'est un circuit qui est entouré quand même de murs de béton. Mm-hmm. Alors, de ce côté-là, les freins ne vont pas nécessairement avoir l'air qu'on a sur une piste habituelle à grand déploiement pour pouvoir respirer. Okay. C'est ce qui fait en sorte que bien souvent, des pilotes vont avoir la difficulté du côté du freinage. Et c'est ce qu'on commençait à voir du côté d'Alex Tagliani hier, pratiquement en milieu de course. Je me suis rendue du côté de son équipe et j'ai tout simplement posé la question, les gars, comment est-ce que les freins vont que présentement? Est-ce que Alex pense avoir assez de freins pour faire le reste de l'épreuve? C'est vraiment dans la place de demander comment va ta mère, c'est comment vont les freins. Oui, tout à fait. Alors, de ce côté-là, on me disait que c'est vraiment un pilote talentueux, il n'en est pas à sa première épreuve. Alors, comment sauver des freins? Il sait comment y arriver et c'est un pilote avec beaucoup d'expérience. Alors, de ce côté-là, c'est vraiment la mission qu'on lui avait donnée. Sauve les freins parce que, bien évidemment, c'est une course de quand même 2 heures. Alors, de ce côté-là, Alex Tagliani a quand même bien réussi la mission. Et aussi, ce qu'on a pu voir, c'est un Alex Tagliani très, très agressif en piste. Je pense que ça faisait quand même quelques temps que je n'avais pas vu un Alex Tagliani partir premier et terminer premier. Okay. On a su prendre la position de tête dès le premier départ devant Philippe Gélinas, un gars d'ici, un gars de grand-mère, qui était très, très content d'avoir fait la pole position. On a terminé en 3e place quand même pour Philippe Gélinas, mais un départ quand même assez difficile. On a pu voir une petite bataille entre Alex Tagliani, qui lui partait deuxième, et Philippe Gélinas. Mais c'est ça qui a été plaisant aussi dans la partie du spectacle, c'est de voir un pilote comme Alex Tagliani qui a déjà fait la pole position au Indy 500, qui a déjà fait la pole position à plusieurs places, un pilote d'expérience, comme je le disais, et un pilote peut-être un petit peu, je veux pas dire moins d'expérience, parce que loin de là, Philippe Gélinas, que ce soit un pilote de karting, que ce soit un pilote de formule, c'est vraiment juste le budget qui a fait un certain point dans sa carrière qui pouvait pas se rendre plus loin. Par contre, de voir une bataille aussi serrée entre ces deux pilotes-là, on parle d'un pilote justement d'expérience pour Alex Tagliani et un pilote peut-être plus maison pour Philippe Gélinas. Ça a été très, très plaisant à voir. Donc, de ce côté-là, Alex Tagliani a vraiment remporté sa mission de sauver les freins. J'ai hâte de voir comment il va faire aujourd'hui parce que hier, lorsque je lui demandais s'il était en confiance par rapport à l'épreuve d'aujourd'hui, il me disait justement que oui, il y a une bonne voiture, mais ça va être différent. Les conditions de la piste sont différentes. On n'est pas à la noirceur. La température de la piste aussi va être complètement différente et ça se peut qu'il y a des pilotes qui soient un petit peu plus agressifs en piste lorsqu'il va y avoir du soleil que lorsqu'il n'y en avait pas hier soir. Alors, de ce côté-là, j'ai bien hâte de voir comment Alex Tagliani va pouvoir s'en sortir aujourd'hui. J'ai aussi hâte de voir si l'équipe 89 Honda Trois-Rivières va avoir réussi à remettre en un seul morceau la voiture de mon médecin de famille, Jocelyn Hébert, qui course depuis plusieurs années. C'est d'ailleurs lui qui a un des records de podium ici à Trois-Rivières. 19 podiums exactement. C'est pas ton podium, c'est ton podium. Non, c'est ça. Oui. Puis hier, malheureusement, à la suite d'un incident en piste, touchette avec un autre pilote. Une touchette? Oui. Ça a l'air louche. Mais une touchette, Mathieu, c'est lorsque deux bolides se touchent et que malheureusement, un des deux doit abandonner. Je pensais que ça avait un lien avec le rallycross. la touchette, maman. Oh mon Dieu, les jumeaux à Mathieu. C'est pas un gros accident, mais malheureusement, ça fait en sorte qu'un des pilotes ne peut pas malheureusement continuer l'épreuve. C'est ce qui s'est passé hier du côté de l'équipe 89 de Jocelyn Baird. On semblait avoir un bris du côté de la pneumatique ou de la suspension droite à l'avant. Donc, de ce côté-là, j'ai hâte de voir s'ils ont réussi à mettre la voiture en un seul morceau pour qu'aujourd'hui, ça puisse mieux aller de son côté. On souhaite. Tagliani, tu m'as donné vraiment faim parce que je veux comme un Tagliani tout garni, extra gratiné à Broil. À Calzone. À Calzone. À Broil. Oui. Jean Broil. À Broil. T'as Broil. Ça, c'est trop facile. Ça, il faut que tu m'arrêtes avant que je fasse ouais, ce mot-là, par exemple. Il y en a des comme ça, Mathieu, que tu ne peux t'empêcher de faire. Hein? Ouais. Du côté de la Nissan Micra, si vous voulez garder un œil sur certains pilotes, tout à l'heure, je le disais, entre autres, Xavier Coupal, qui est le 572, pardon, tout à l'heure, j'avais dit 425. J'ai aucune idée pourquoi je suis arrivée avec le 425, mais c'est vraiment le 572. Valérie Chiasson, qui est à bord du numéro 26. On parle aussi de Kevin King, qui est à bord de la voiture 40. Donc ça, ce sont des pilotes à surveiller de très, très près. Le numéro 1, Olivier Bédard. Numéro 4, Valérie Limoges. Ouais. Richard Spénard est dans le numéro 5. Okay. Ça devrait être très intéressant à voir. Pilote d'expérience, on en discutait. Ouais. Beaucoup, beaucoup d'expérience du côté de Richard Spénard. Tu me dis qu'il y avait trois filles, puis tu n'arrêtes pas de mentionner les deux mêmes tout le temps. Et où la troisième? C'est quoi? C'est la 77 d'Ashley Haken. Okay. Je dis absolument pas qu'elle est poche. Par contre, elle est à ses tout débuts. Ah. On débute dans la série Nissan Micra. On fait nos premiers pas dans le monde de la course automobile cette saison. Ashley. OK, parce que ça avait été d'Ashley. J'étais comme genre, ben, tableau de bord, là, 101, Québec bashing. T'sais. Oh boy. Ah. Non, non, en fait, elle fait équipe avec son frère qui, j'essaie de le trouver lui aussi sur la liste des inscrits, Chris Sahakin, le numéro 9. Alors, un frère et une sœur en piste en même temps. Wow. Peut-être qu'on va avoir une bataille de ce côté-là. Peut-être. Et une chance que tu avais une recherche sur tes feuilles aujourd'hui. Hein? Oui, merci beaucoup à Cynthia Doré qui m'a fourni toute la liste des inscrits. Il est pas mal 8 heures. Moins il est pas mal 8 heures. Ça veut dire qu'il faut arrêter ça. Faut arrêter ça, c'est Mathieu. C'est bien malheureux. Mais ça veut dire qu'on va se quitter en musique. Avant de transitionner, qui est l'équipe d'animation que tu m'as dit tantôt pour le reste du Grand Prix? Va être Frédéric Beaulieu et Philippe Brasseur pour la première séance de qualification de la Coupe Nissan Micra. Alors, de ce côté-là, vous allez les retrouver probablement vers 8h20. Et nous, on vous dit à demain matin, même heure, même poste, 7h sur les ondes de C'est fou 89.1 FM. À demain, Tania. À demain, Mathieu. Avec Valley Logic, go tout de suite! Ça, c'est fou.